Donnez-moi un A comme amibe, donnez-moi un Z comme zèbre, donnez-moi un T comme tardigrade. Voilà choisi de façon arbitraire trois pièces partiellement énigmatiques de l'immense puzzle de l'évolution. Des premiers travaux de classification jusqu'à l'avènement de la génomique, la compréhension de l'évolution du vivant a peu à peu mis en évidence la diversité, la complexité et la fluidité des dynamiques évolutives. Dynamiques qui sont loin d'être rectilignes ou tendues vers un but prédéfini. C'est lundi, c'est biologie, et pour nous guider dans cette jungle de l'évolution, qui de plus indiqué qu'un héritier et continuateur de Charles Darwin. Hervé Le Guyadère, l'évolution permanente, c'est l'abécédaire vivant que nous allons parcourir dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et bonjour Hervé Le Guyadère. Bonjour. Vous êtes professeur émérite de biologie évolutive à Sorbonne Université et vous êtes l'auteur de Ma galerie de l'évolution, le vivant de A à Z, paru récemment aux éditions du Pommier, un livre qui recueille vos chroniques dédiées à l'évolution paru dans le magazine Pour la Science. Mais avant de décrypter avec vous la complexité de l'évolution et du vivant, il est l'heure de retrouver la grande exploratrice, c'est lundi, de l'évolution de l'actualité scientifique. Il s'agit de Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour, bonjour Antoine. Natacha. Et on commence avec une étude parue dans la revue Nature qui a identifié une hormone qui jouerait un rôle clé dans la maladie d'Alzheimer. Et ces résultats expliqueraient pourquoi les femmes ont plus de risques que les hommes de développer cette maladie. On a longtemps attribué ça au fait que leur espérance de vie était plus élevée et que donc, mécaniquement, elles avaient plus de risques de développer cette pathologie. Ce qui est vrai statistiquement. Cependant, il y a des différences physiologiques entre les hommes et les femmes, notamment sur le plan hormonal. Chez les femmes, une hormone importante augmente pendant la ménopause, la FHS, une neurohormone, une hormone produite par le cerveau qui agit sur les organes sexuels, mais aussi sur les cellules graisseuses, les cellules osseuses et sur certaines zones du cerveau. Sur des souris modèles de la maladie d'Alzheimer, une équipe sino-américaine montre que le blocage de la FHS atténue la pathologie et le dysfonctionnement cognitif. Laure Verret est enseignante-chercheure en neurosciences à l'université Paul Sabatier de Toulouse. Elle est impliquée dans la recherche sur la maladie d'Alzheimer. Alors les souris, elles n'ont pas de ménopause physiologiquement, mais du coup on peut faire une ovarectomie, on leur enlève les ovaires, et donc ça va miner un état de ménopause. Et ils ont pu observer que s'ils bloquaient l'action de la FSH de façon systémique, c'est-à-dire à la fois sur les os, sur le gras, sur le cerveau, ils observaient une augmentation de la masse osseuse, une diminution de la masse graisseuse et une diminution des troubles cognitifs associés à la perte des ovaires, et donc qui menait donc la ménopause. Et ils ont aussi observé, ils ont fait ça sur plusieurs modèles de souris de la maladie d'Alzheimer, ils retrouvent les mêmes bienfaits du blocage de cette hormone. Donc soit ils bloquent directement l'hormone, soit ils bloquent les récepteurs à cette hormone sur les différents organes. Donc ils ont pu cibler sur les différents organes l'action de l'hormone et ils ont pu identifier qu'effectivement il y avait un lien de cause à effet entre la FSH et les déficits physiologiques et cognitifs liés à l'état post-ménopause. Ce qu'ils suggèrent, et ce n'est qu'une suggestion bien sûr à ce stade puisqu'il s'agit de souris, ils suggèrent que peut-être chez les femmes post-ménopause, un traitement, plutôt que d'utiliser une supplémentation hormonale, ici ce serait de bloquer cette hormone FSH. Et cela permettrait de diminuer de façon significative pour les problèmes liés au vieillissement post-ménopause. Ils ont tout à fait testé ça avec des souris mâles, parce que la FSH n'est absolument pas exclusivement, c'est pas du tout une hormone féminine. D'ailleurs, il n'y a aucune hormone féminine et masculine. Mais la FSH, elle signale tout aussi bien chez les individus masculins que féminins, l'activation des gonades, que ce soit les ovaires ou les testicules. Ce qui est intéressant dans leur étude, à mon sens en tout cas, c'est qu'ils observent le mécanisme sous-jacent à l'action de la FSH sur les cellules, notamment les cellules neuronales. Et ils observent de façon hyper intéressante que ça serait lié directement, en tout cas ça accélérerait la maladie d'Alzheimer directement sur les différents peptides et protéines qu'on sait être la cause de la maladie, à savoir A-bêta et tau. Et donc, de façon mécanique, diminuer l'impact de cette FSH, ça permettrait effectivement de diminuer les facteurs causaux de la maladie. Et comme chaque jour, vous pouvez retrouver cette étude et les suivantes sur notre fil Twitter @laméthodefc. Et on passe au bref. Selon une étude parue dans la revue Nature Communications, même une petite consommation d'alcool accélérerait le vieillissement du cerveau. On sait qu'une forte consommation d'alcool est liée à une atrophie cérébrale. Les résultats de cette équipe britannique suggèrent que même un ou deux verres de bière ou de vin par jour ont un impact. Les chercheurs se sont appuyés sur les IRM de plus de 36 000 adultes en bonne santé qui proviennent d'une biobanque anglaise. Ils ont regroupé les participants selon leur niveau de consommation. Alors, la limite de cette étude, c'est qu'elle repose sur du déclaratif. Néanmoins, avec ce grand ensemble de données, un schéma apparaît. Le volume de matière grise et blanche évolue à mesure que la consommation d'alcool augmente. Pour bien se rendre compte, une unité d'alcool par jour, cela équivaut à une demi-année de vieillissement pour le cerveau. Et plus on boit, plus il vieillit. En bref toujours, la NASA a présenté les futurs projets financés pour l'exploration spatiale dans le cadre du programme Innovative Advanced Concepts. La NASA vient d'attribuer plus de 5 millions de dollars à 17 projets en premier stade de développement. Alors parmi eux, le programme Pi, un nouveau système de défense basé sur la Lune pour détruire un astéroïde géocroiseur potentiellement dangereux pour la Terre. Côté robotique, il y a un projet de micro-robot nageur imprimé en 3D pour explorer les souterrains aquatiques d'Encelade, d'Europe et de Titan, mais aussi le Ridgebot, un robot grimpeur muni de pinces pour s'accrocher et pour visiter des grottes martiennes. Il y a également le projet de rapporter sur Terre des échantillons des particules de l'atmosphère de Vénus grâce à une sonde munie de ballons. Et enfin, selon une étude parue dans la revue Science Advances, le manteau profond de la Terre porte la trace de l'explosion cambrienne, donc de l'explosion de la vie sur Terre. Et il y a environ 540 millions d'années. Ce qu'on prénomme aussi le Big Bang zoologique a été un tournant dans l'évolution de la vie sur notre planète où on voit apparaître de grands groupes d'animaux. Des chercheurs suisses ont analysé 144 kimberlites, des roches volcaniques très anciennes. Ils ont découvert que la composition chimique des roches jeunes, qui datent de moins de 250 millions d'années, était considérablement différente de celle des roches plus anciennes. Avec l'explosion cambrienne, le dépôt de carbone organique dans les sédiments marins a bondi et a modifié le cycle du carbone du manteau terrestre. Cette étude montre que les processus biogéochimiques à la surface de la Terre ont une influence jusque dans les profondeurs de notre planète. Merci beaucoup, Natacha. On vous retrouve pour le prochain journal des sciences. On dit volontiers de Charles Darwin qu'il est le Newton de la biologie. Et c'est vraiment à la gloire de la science d'Angleterre que pour faire sentir la grandeur de l'illustre naturaliste, on ne trouve rien de mieux que de le comparer à l'un de ses compatriotes. En découvrant le principe de l'attraction universelle, Isaac Newton donnait la loi des mouvements célestes et fondait un système rationnel du monde. Charles Darwin, en démontrant la réalité de l'évolution organique, n'a pas rendu un moindre service à l'esprit humain. Son œuvre capitale, L'Origine des espèces, publiée en 1859, marque un âge de l'intelligence. Aucun livre peut-être ne va être pour l'homme plus instructif, plus éclairant que celui-là, puisque c'est par lui que l'homme a pris conscience de sa véritable place dans la nature, de ses rapports avec les autres vivants, de la profondeur de son passé, de la diversité de son histoire. Durant des siècles, l'opinion généralement admise quant à l'origine des espèces avait été celle du créationnisme biblique. On croyait que toutes les espèces animales et à plus forte raison l'espèce humaine avaient été créées séparément dans l'état même où nous les voyons aujourd'hui. Or voilà que par Darwin, nous apprenons que tous les animaux, y compris nous-mêmes, sont parents les uns des autres et que tous nous descendons par complications graduelles d'organismes primitifs extrêmement simples. Voilà, Hervé Le Guyader, la voix empreinte de solennité de Jean Rostand, c'était en 1949, une réaction à ce que vous venez d'entendre et à sa description de l'origine des espèces qui est la pierre de construction, la pierre de base de la théorie de l'évolution. Oh ben Jean Rostand, c'était un bon. Et il l'avait bien compris. Et ce qui est intéressant dans cet extrait, je trouve, c'est qu'il insiste bien sur, j'allais dire, l'importance clé de Darwin au-delà de la sélection naturelle. C'est le fait qu'il y a une histoire de la vie sur Terre et que l'élément clé va être la recherche de parenté. Mmh. Et c'est cette recherche de parenté qui va permettre de classer les organismes qui étaient classés un peu à l'aveugle au départ. Et en fait, les bons, en particulier les botanistes pré-darwiniens, faisaient des recherches de parenté sans le savoir. Mais c'est quand même mieux de savoir ce que l'on fait. Et en fait, on va continuer à le faire, et avec la révolution moléculaire, on va faire ces recherches de parenté avec les séquences de protéines ou d'ADN, mais globalement, disons que l'idée générale est déjà là. On va bien évidemment reparcourir un petit peu ensemble cette histoire jeune, mais en même temps longue, de la théorie de l'évolution. Aujourd'hui, en 2022, qu'est-ce que ça signifie, la biologie évolutive, et qu'est-ce que ça recoupe comme discipline? La biologie évolutive, je dirais que c'est une biologie généraliste. C'est-à-dire qu'elle va, vous prenez toutes les sous-disciplines de la biologie, et avec toutes ces sous-disciplines, vous pouvez faire de la biologie évolutive. C'est-à-dire que tous les résultats que l'on peut avoir, on peut essayer de les voir en dynamique au cours de l'histoire évolutive. Mmh. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que cette biologie évolutive a progressé. Je prends un exemple, si vous voulez. Disons que au début de la première moitié du XXe siècle, la génétique a été fondée principalement sur la drosophile. On a eu des résultats sur la drosophile, puis on les a étendus, puis après, donc, on a eu des résultats sur Escherichia coli, puis on les a étendus, puis on s'est mis à regarder, tiens, mais à côté, est-ce que c'est pareil? Ah oui, là c'est pareil, là c'est pas tout à fait pareil, il y a quelque chose qui change un peu, et c'est en faisant du comparatif que tout d'un coup, on va se mettre à faire de la biologie évolutive. Et ça densifie le maillage des connexions également qu'on peut établir entre des espèces qui ne se ressemblent pas physiquement, on va dire morphologiquement, mais qui ont plein de parenté. Vous dites dans l'introduction de votre livre quelque chose que j'ai trouvé intéressant, vous dites la biologie évolutive moderne paraît échapper au curieux de la science, et ce malgré de nombreux travaux publiés chaque année. Comment est-ce qu'on explique cette relative ignorance alors que la théorie de l'évolution fait partie des plus grands bouleversements conceptuels des sciences de ces deux derniers siècles? Alors, je me suis posé cette question, et en fait, si vous voulez, la réponse que je donne est la suivante. C'est que pour, j'allais dire, le grand public éclairé, vous avez pas mal de livres sur l'histoire de la théorie d'évolution, de Darwin, la théorie synthétique, etc. Bon, il y en a pas mal qui sont faits. Mais quand on parle de biologie évolutive moderne, eh bien, vous allez les trouver exclusivement que dans des livres universitaires, un peu difficiles d'accès pour les étudiants, etc. Rares à ce moment-là sont les esprits éclairés qui vont s'y mettre. Et en fait, je pense que la difficulté vient du fait que c'est un énorme patchwork. La biologie évolutive, il faut voir que ça peut être de la paléontologie, ça peut être de la zoologie, ça peut être de la botanique, ça peut être de la biologie moléculaire, ça peut être de l'évolution du génome, ça peut être du développement, ça peut être de l'éthologie, ça peut être de l'écologie. Donc tout, et en fait, vous avez un énorme patchwork, et chaque mot que je viens de donner mériterait quasiment un ouvrage. Mais enfin bon, ça devient énorme. Et en fait, ce qui s'est passé pour l'écriture de ce livre, c'est que je me suis rendu compte que ce patchwork, j'avais fait au fur et à mesure, sans le savoir, par mes chroniques dans Pour la science. Et je me suis dit, après tout, pourquoi ne pas proposer ça, ce qui et surtout que j'avais le matériel nécessaire de donner une introduction sur l'histoire de la théorie de l'évolution jusqu'à maintenant, avec les nouveautés que j'avais fait aussi dans Pour la science. Et donc le pommier a accepté de prendre tout ça. C'est-à-dire que l'idée, c'est de donner les pistes pour bien comprendre la biologie évolutive, avec aussi un glossaire assez détaillé, et après, eh bien, ils sont classés par ordre alphabétique suivant les organismes, mais on peut commencer à n'importe quelle page. Oui. On va parler bien évidemment donc de ce livre, mais aussi de l'histoire de la théorie de l'évolution et de l'origine des espèces. Une question un peu plus personnelle, puisqu'on parle d'origine, j'aimerais comprendre l'origine de votre vocation de biologiste de l'évolution. Est-ce qu'il y a eu un déclencheur, un élément, en tout cas une curiosité particulière qui vous a animé, qui vous a conduit à pratiquer cette discipline-là toute votre carrière? Oh, vous savez, je ne vais pas revenir à mon enfance, mais ça revient à peu près à ça. Hein. Étant breton et plus spécialement brestois, c'est la biologie marine qui m'a intéressé au départ. Et de la biologie marine, j'ai eu des livres sur la paléontologie. Comme tout le monde, j'ai été fasciné par les dinosaures, évidemment. Et donc, je me suis mis déjà à lire des livres, hein, disons, qui étaient un peu ardu pour mon âge. Je me souviens pour un anniversaire en première, j'avais demandé un bouquin sur un colloque du CNRS sur la biologie évolutive, que j'ai toujours chez moi, que je garde précieusement, mais je l'ai refeuilleté il y a pas longtemps et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'avais dû y comprendre en première? Mais j'étais fasciné par tout ça. Quand on pense à la compréhension de l'évolution, quand on pense Charles Darwin, par exemple, on pense aussi à l'exploration, à l'importance du terrain. L'évolution ne se comprend pas que dans les livres, elle se comprend aussi in situ. Quelle importance a eu pour vous le terrain dans votre pratique de biologie de l'évolution? Vous avez co-dirigé notamment une expédition qui s'appelait Santo au Vanuatu en 2006. Voilà. Quelle importance a le terrain dans votre pratique? Alors, le terrain est très important parce que, si vous voulez, j'ai une chance, vu mon âge, j'ai vu toute l'évolution de la biologie, d'une biologie qu'on dirait classique, mais qui n'est pas classique du tout, l'apparition de la biologie moléculaire, et surtout, ce que j'ai vécu, c'est le moment où les techniques qui sont mises au point sur des organismes modèles, je parlais tout à l'heure de drosophiles, je parlais de Escherichia coli, de virus, etc., les techniques qui ont été mises au point sur quelques organismes modèles, tout d'un coup, pouvaient être dirigées contre des organismes, entre guillemets, non modèles, c'est-à-dire des organismes qui peuvent être des organismes de source hydrothermale, des organismes du plancton du Pacifique, qui peuvent être des insectes, des forêts amazoniennes, etc., etc. Et donc, l'idée, quand on a créé avec mes collègues, quand on a créé cette unité à Jussieu, à l'époque Pierre et Marie Curie, maintenant Sorbonne Université, eh bien, l'idée, c'est d'avoir un tapis roulant du terrain au laboratoire. Et donc, de suivre, de prendre des organismes exotiques, intéressants, naturellement on ne peut pas tout faire, mais de les ramener au laboratoire et de faire dessus de la phylogénie moléculaire, de la génétique des populations, de l'évo-dévo, etc. etc. Et donc, ça a été un plaisir de nombreuses années. Alors, on comprend bien, voilà, le bouleversement technologique qui a fait évoluer la discipline. Qu'est-ce qu'il y a de Darwin en vous, par contre? Qu'est-ce qui vous rapproche de Charles Darwin? Qu'est-ce qui me rapproche de Charles Darwin? Eh bien, je pense que je veux revenir à ce que je disais tout à l'heure. C'est la notion d'histoire. C'est-à-dire la notion de... On peut reconstituer l'histoire du vivant, enfin une partie de l'histoire du vivant, n'imaginons pas tout. Et que le côté historique explique beaucoup de choses et explique beaucoup de choses assez étonnantes. Je prends un exemple dans ce que disait tout à l'heure Jean Rostand, où il disait qu'il voyait les organismes qui se complexifient à partir du plus simple, etc., etc. Bon, ben maintenant, on sait qu'il y a eu aussi beaucoup de simplification des organismes qui étaient entre guillemets compliqués au départ, qui tout d'un coup deviennent simples. Il y a eu perte d'organes. Et donc, en fait, les choses sont maintenant, on se rend compte, beaucoup plus compliquées que ce qu'imaginait Darwin. Et Darwin, donc, il a eu cette idée géniale de rechercher des relations de parenté. Il a mis il a fait émerger une force évolutive, la sélection naturelle. J'attire l'attention, je le disais, à tous les étudiants, mais je préfère le dire ici, il termine son livre sur l'origine des espèces en disant, il parle de la sélection naturelle en disant, mais il n'y a certainement pas que ça, on l'oublie toujours. Bon, hein, il était content d'avoir trouvé ça, il n'y a pas que ça. Et effectivement, maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on va rajouter au fur et à mesure. Par exemple, on va rajouter la dérive, on va rajouter la mutation, etc. etc. Et bien justement, on va parler de cette évolution, de la théorie de l'évolution. C'est ambitieux, vu le temps qui nous est imparti, mais on va le faire avec vous, Hervé Le Guyader. France Culture, la méthode scientifique, Antoine Beauchamp. La méthode scientifique est consacrée aujourd'hui au livre d'Hervé Le Guyader, Ma galerie de l'évolution, le vivant de A à Z, paru aux éditions du Pommier, et à l'évolution de la théorie de l'évolution et à la complexité de l'évolution du vivant. On peut peut-être parler des prémices de cette théorie avant de parler de l'origine des espèces. Hervé Le Guyader, au début du 19e siècle, c'était déjà un sujet de débat, un sujet de controverse, tout autant politique que scientifique, notamment entre des grands noms d'anatomistes comme Cuvier, Saint-Hilaire. Rappelez-nous un petit peu la genèse de cette origine des espèces de Darwin. Bah, disons que l'origine des espèces, c'est pas un temps T0 du transformisme. Il y a eu beaucoup d'éléments clés sur le transformisme avant. Bon, effectivement, donc Étienne Geoffroy Saint-Hilaire avait une certaine notion du transformisme et Cuvier était fixiste. Mais disons, si j'avais deux grands noms à citer en France, ce serait Lamarck, d'une part, qui a donc quand même a été le premier au muséum donner des cours sur l'évolution, sur le transformisme. Et puis peut-être qu'on oublie souvent, mais c'est Maupertuis. Maupertuis était absolument extraordinaire. Il a une intelligence colossale et il avait compris qu'il y avait que tout ça c'était dynamique, qu'il fallait que ça change. Cette notion de dynamique, justement, elle est très intéressante. Est-ce que finalement, avec Darwin, ce qui s'inscrit vraiment dans la science, c'est le fait que la classification ne fige plus et permet de comprendre justement une dynamique en cours, encore en cours? Absolument. Et donc les relations de parenté et on arrive à maintenant il y a certainement des choses qui sont en cours, en train de se faire de spéciation. Alors on va essayer de donner les éléments pour expliquer cette spéciation, mais Darwin était bloqué. Sa notion dite de descendance avec modification, c'est-à-dire descendance, ça veut dire que les organismes et les espèces descendent les unes des autres et qu'au cours du temps elles se modifient, mais il n'avait aucune notion sur ce qu'était cette modification. Et donc il va falloir la génétique pour comprendre par la mutation quelle est cette modification. Et donc on va arriver au milieu du XXe siècle avec la convergence entre la théorie évolutive et la génétique qui va donner la théorie synthétique de l'évolution, qui va être une première synthèse qui a après été très critiquée parce que cette première synthèse, disons, à un moment donné, est restée comme, un cadre presque rigide. Et au fur et à mesure, on va montrer que c'est encore plus compliqué que ce que l'on imaginait. Mais ce qui est très intéressant de le rappeler, vous le faisiez à l'instant, c'est qu'au moment où Darwin publie l'origine des espèces, la génétique n'existe pas, la paléontologie est balbutiante, l'embryologie, on n'en parle pas non plus. C'est fou de se dire que, voilà, en quelques années, en quelques décennies, avec notamment, voilà, vous évoquiez l'évolution de la génétique, on va pas reparler de l'histoire des petits pois de Mendel, mais voilà, non. Finalement, la génétique se développe, la découverte de l'ADN, c'est début des années 60, mais... Voilà, la théorie de l'évolution très vite s'arme d'un point de vue épistémologique et d'un point de vue théorique d'autres éléments scientifiques. Quel premier voile la génomique, la génétique va permettre de lever sur notre compréhension de l'évolution? Alors, comment vous dire ça? Je crois que l'élément clé pour bien comprendre l'importance de la génétique et la théorie de l'évolution, ça va être la découverte de l'expression du gène. C'est les travaux de Jacob et Monod. Les travaux de Jacob et Monod sont parfaitement clés, qui vont montrer que il y a deux choses au niveau du gène. Il y a la séquence codante qui code la protéine qui va avoir tel ou tel accès, mais aussi il va y avoir le fait que cette protéine, eh bien, on peut l'exprimer, donc on peut la synthétiser ou pas, et donc il va y avoir là un élément clé aussi. Et donc il va pouvoir y avoir des mutations qui vont porter sur la protéine elle-même, sur la séquence codante, mais des mutations qui vont porter aussi sur les séquences régulatrices et qui vont changer différentes chose. Et donc, vous voyez que tout ça est parfaitement dynamique, c'est-à-dire que ça va être, si vous voulez, si je fais une comparaison avec l'informatique, c'est comme si on pouvait changer à la fois le hardware et le software. Et donc, non seulement on peut changer la pièce qui va jouer, mais on peut changer la manière dont elle va apparaître ou disparaître de la cellule. Et donc, ça donne une dynamique absolument incroyable. Et tant qu'on n'avait pas cette notion-là, eh bien, on restait complètement figé. La théorie synthétique de l'évolution, elle permet aussi de mener une lutte tout aussi politique contre les idées créationnistes. Alors là aussi, expliquez-nous un petit peu comment ça va battre un petit peu en brèche ces théories créationnistes qui font de l'évolution finalement un programme divin programmé avec un but défini. Oh bah... Je n'ai pas envie d'y passer trop de temps. Non, si vous voulez, on passe à la question suivante. Parce que c'est tout simple. C'est-à-dire que la biologie évolutive montre qu'il y a une histoire, que cette histoire est longue, que pendant ce temps-là, alors quelque chose d'élément clé dont on ne parle pas, mais les physiciens, avec les études de la radioactivité, peuvent dater les gisements, et donc on connaît maintenant l'âge de la Terre, l'âge de l'univers, l'âge du système solaire. Vous parliez tout à l'heure des schistes de Burgess et des kimberlites, etc. On peut dater tout ça, c'est absolument extraordinaire. Et quand vous regardez maintenant les papiers de paléontologie, vous voyez que les datations sont d'une finesse extraordinaire. C'est fantastique. On parle de l'importance de la théorie synthétique de l'évolution pour la pérennité de l'évolution de Darwin. Il y a un petit bémol, c'est que l'embryologie est absente de la théorie synthétique de l'évolution. Pourquoi est-ce qu'on peut dire que finalement c'est un manque et qu'est-ce que l'embryologie pour le coup va apporter après la théorisation de la théorie synthétique de l'évolution, va apporter à notre compréhension de l'évolution? Alors, et si on parle de ça, c'est un petit peu compliqué, parce que tout à l'heure, je vous ai pas repris, mais vous avez dit que l'embryologie n'existait pas au moment de Darwin. C'est pas tout à fait vrai. Ah, alors corrigez. Il y avait, en particulier, c'était l'embryologie allemande, qui était une grande embryologie, et qui a essayé de comprendre comment on peut essayer de comparer les embryons. Et donc, il y a eu une importance considérable à ce moment-là. Parce que les embryons se ressemblent alors que les espèces sont très dissemblables. Et c'est ça qui est la grande énigme. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, pour simplifier les choses, au tout début, prenons au niveau des mammifères, les embryons, à un premier stade, se ressemblent tous. Puis au fur et à mesure qu'ils se développent, les caractères qui sont particuliers de tel ou tel groupe, tel ou tel espèce, vont arriver en dernier lieu. Et ça a donné à cette fameuse loi de récapitulation de Ernst Haeckel, qui était que l'ontogénèse, c'est-à-dire le développement de l'évolution, récapitule la phylogénèse. Bon, alors on s'est rendu compte qu'il y a plein de contre-exemples, que c'est pas une vraie loi, et surtout qu'on n'expliquait pas grand-chose. Et à un moment donné, l'embryologie est devenue une embryologie expérimentale. Essayer de comprendre comment se fait-il qu'il y a telle évolution, tel feuillet qui apparaît à tel moment et qui a laissé tomber complètement l'évolution. Et les généticiens et les embryologistes, à un moment donné, ne pouvaient pas se parler parce que, regardez, les généticiens et regardez les yeux de la drosophile. Et les embryologistes leur disaient, mais moi, les yeux de la drosophile, je m'en fous complètement. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe au départ. Le nombre de poils, les ailes sont petites ou grandes, elles sont noires ou jaunes, je m'en fous complètement. Et en fait, je reviens encore à quelque chose d'important. Ça va être au moment de l'expression du gène, que tout d'un coup, on va comprendre qu'il y a quelque chose qui est absolument essentiel dans les organismes, c'est la différenciation cellulaire. Et à ce moment-là, la différenciation cellulaire, avec ça, on n'est pas loin de la génétique et on n'est pas loin de l'embryologie. Et il va y avoir la révolution moléculaire où on va trouver ces fameux gènes du développement. Et ça aboutit justement, voilà, dans les années 80, à ce que les scientifiques appellent amicalement l'évo-dévo, la biologie évolutive du développement. Alors comment cette discipline s'est définie, s'est installée et comment est-ce qu'elle a évolué depuis les années 80? Alors on va trouver, là encore, pareil, drosophile, on va trouver ces fameux gènes de développement. Donc qui organise l'embryon suivant l'action antéro-postérieure et dorso-ventrale. Et donc on va se rendre compte que ce sont les mêmes gènes qui organisent les embryons de vertébrés. Ça a été une révolution absolument extraordinaire. Et on se rend compte, pour résumer les choses, qu'au niveau des vertébrés, eh bien, on a la même boîte à outils moléculaire. Et qu'avec une même boîte à outils moléculaire, les embryons, eh bien, on va pouvoir faire des organismes aussi différents qu'un éléphant ou qu'une souris. Et on peut même, actuellement, dire qu'on a une même boîte à outils moléculaire pour l'ensemble des animaux à symétrie bilatérale. Et ça, vous le montrez très très bien dans votre livre qu'on va ouvrir dans un instant. Restez avec nous, parce qu'après avoir redessiné donc les contours évolutifs de la théorie de l'évolution elle-même, on va parcourir votre grande galerie de l'évolution Hervé Le Guyader. Ce sera juste après ça. Evolution Did par The Phoenix Foundation dans la méthode scientifique sur France Culture, puisque nous parlons tout au long de cette heure des chemins sinueux empruntés par l'évolution. Nous en parlons avec Hervé Le Guyader, professeur émérite de biologie évolutive à Sorbonne Université et auteur de Ma galerie de l'évolution, le vivant de A à Z, paru aux éditions du Pommier. Alors, après avoir reparcouru quelques grandes étapes de l'histoire de la théorie de l'évolution, on va s'attacher à des notions clés de cette théorie, et pour ce faire, quoi de mieux que de partir en reportage pour illustrer l'une de ces notions, la convergence évolutive. Nous allons nous intéresser à l'évolution de la couleur des papillons morpho, ces magnifiques papillons bleus irisés que l'on connaît bien. Bonjour Alexandra Delbault. Bonjour Antoine. Vous vous êtes rendu au Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris pour observer leur impressionnante collection. Oui, et pour y rencontrer Violaine Laurence et Vincent Debat, chercheurs à l'Institut de Systématique, Évolution et Biodiversité. Leurs travaux partent d'une observation de spécimens de cette collection de trois espèces, Achilles, Éléonore et Deidama. Des espèces apparentées vivant dans les forêts tropicales. Il se trouve que ces espèces, lorsqu'elles se trouvent dans la même localité, présentent la même morphologie de bleu, c'est-à-dire des bandes de la même taille. L'hypothèse explicative est la suivante. Ce bleu leur confère la possibilité d'échapper plus facilement aux prédateurs. Seulement, on sait aussi que le motif de couleur est essentiel pour la reproduction. Donc en convergeant de motifs d'ailes, ces morphos risquent alors des phénomènes d'interférence reproductive. Et c'est ce que ces trois chercheurs ont voulu vérifier sur le terrain. Est-ce que les papillons se trompent? Est-ce que les mâles ont tendance à aller voir des femelles d'autres espèces et à donc utiliser de l'énergie pour rien sans obtenir de descendance? Et pour répondre à cette question, ils sont d'abord partis à la chasse au Pérou pour mesurer l'abondance de chacune de ces trois espèces, puis ont utilisé un leurre avec des motifs d'ailes. Il s'avère que les papillons se trompent bel et bien et vont voir d'autres espèces. Seulement, ils ont également découvert que ces papillons ne volent pas à la même heure. Les papillons sont trompés par le leurre, mais puisqu'ils sortent à des heures différentes, ils ne se trompent pas réellement dans la nature. Il s'agit donc d'une convergence évolutive de motifs et d'une divergence temporelle. Quand toutes les espèces de morphos ne sont pas bleues, mais donc pourquoi certaines ne sont pas bleues, pourquoi d'autres sont bleues. Et donc, la réponse générale à cette question, c'est qu'on ne sait pas, mais on a des hypothèses. Et donc l'hypothèse qu'on privilégie, nous, dans l'équipe, c'est que les morphos bleus ne sont bleus que sur la face dorsale. Si on les retourne, comme on voit sur ces spécimens-là, ils sont marrons sur la face ventrale. Ce qui fait que quand le papillon est en vol battu, quand ses ailes sont positionnées vers le bas, le bleu est exposé et visible, alors que quand les ailes sont vers le haut, la face marron est exposée. Ce qui fait que le papillon en vol clignote. Et donc c'est des papillons qui sont difficiles à capturer, et ils le sont également difficiles à capturer par leurs prédateurs naturels, donc des oiseaux insectivores. Et donc potentiellement, une des pressions de sélection qui serait impliquée dans l'évolution du bleu de ces papillons serait cette pression de prédation par les prédateurs. Finalement, le bleu devient un signal de la difficulté de capture. Donc tout individu qui va présenter cette coloration bleue va bénéficier d'un avantage en termes de survie parce qu'il va être moins susceptible d'être chassé par les prédateurs. Et donc ça provoque probablement ces convergences évolutives qu'on observe entre nos espèces qui vivent ensemble et où on observe une évolution de coloration très similaire. Alors le problème, c'est que c'est des espèces qui sont proches, qui sont très apparentées, qui vivent dans les mêmes localités. Et on sait par ailleurs que chez les papillons de jour, la coloration est impliquée dans la reconnaissance des partenaires sexuels. Donc fréquemment, on peut imaginer qu'il y aura des problèmes de confusion avec des mâles qui vont se mettre à avoir des interactions agressives avec des mâles d'autres espèces qui portent les mêmes colorations, ou qui vont se mettre à avoir des comportements de parade ou d'accouplement même avec des femelles qui ne seront pas des femelles de leur espèce. Ce qui va avoir un gros coût physiologique à la fois pour le mâle qui va déployer ses comportements et aussi pour les femelles qui vont produire des descendants hybrides qui peuvent être fréquemment soit carrément non viables ou stériles. Donc la question qu'on s'est posée dans l'étude que l'on a publiée donc en 2021 dans Nature Communications, c'était d'étudier ces problèmes d'interférence reproductive entre individus d'espèces différentes qui vivent dans une même localité d'une rivière qui s'appelle le Rio Chilcayo, qui est située au nord-est du Pérou. Donc dans ces rivières, on observe des comportements de patrouille des mâles qui se baladent le long du lit de ces rivières. Donc ce qu'on a testé, c'est tout d'abord d'estimer l'abondance des populations de ces différentes espèces le long de cette rivière. On a fait un gros effort de capture de ces différents papillons bleus. Une fois qu'on les avait en main, on déterminait leur espèce, le sexe. On leur mettait un numéro qu'on écrivait au marqueur sur les ailes. Et puis, on notait donc quel papillon, quelle espèce, quel sexe on avait vu à quelle heure et quel jour. Donc, on fait ça pendant plusieurs semaines. Au bout d'un certain temps, on recapture des individus qui sont marqués. Et à partir de ce pourcentage d'individus marqués et non marqués, on peut estimer les abondances relatives des espèces au sein de cette localité-là. Donc cette expérience de capture, marquage, recapture nous a montré qu'on avait des abondances relativement similaires entre nos trois espèces au sein de cette localité du Pérou. Et ensuite, il a fallu déterminer s'il y avait des interactions justement entre ces différentes espèces. Ah, c'est ça. Donc ce qu'on a fait dans le cadre de la thèse de Camille Leroy, on a fabriqué des leurres à partir de papillons solaires de jardin achetés dans les jardineries, mais sur lesquels on a collé les ailes de vrais morphos. Donc on a fait différents types de leurres, donc des leurres des différentes espèces, des différents sexes, mais aussi des leurres de morphos des mêmes espèces, mais qui proviennent de Guyane et donc qui ont des morphologies différentes. On a placé ce leurre dans la rivière, donc vraiment visuellement, ça produit un effet qui ressemble assez fortement à un vrai morpho vivant. On a placé des caméras et on a filmé et quantifié les comportements des morphos sauvages qui interagissaient ou pas d'ailleurs avec nos leurres. Et donc ce qu'on a montré, ce qui domine vraiment dans nos résultats, c'est que effectivement les morphos se trompent. Les mâles ont tendance à aller se battre de façon assez indifférenciée avec nos leurres de la même espèce ou des autres espèces, et y compris à aller tourner autour des femelles de leurres ou des autres espèces de morphos. Donc on a bien, on va dire, des interactions qui sont liées à l'apparence des morphos, puisque quand on leur présente des leurres de l'autre région géographique qui ne leur ressemblent pas, et bien, même si c'est des leurres de la même espèce, ça les intéresse pas, ils vont pas les voir. Donc ça montre vraiment qu'il y a des interactions interspécifiques qui sont motivées par cette ressemblance de patrons de coloration. Et le fait justement que les morphos puissent se tromper entre les espèces, on peut justement imaginer que ça a un coût énergétique fort et qu'on pourrait imaginer que les espèces tout simplement s'éteignent et que les populations ne survivent pas. Donc pourquoi les populations ont survécu et avec une abondance quasi relative pour les trois espèces en question ? Ce que je ne vous ai pas précisé tout à l'heure sur l'expérience de marquage-recapture, c'est qu'on sait aussi les heures à lesquelles on les attrapait. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est que sur les deux espèces phares, Morpho Elenor et Morpho Achilles, on les capturait pas aux mêmes heures. C'est-à-dire que les périodes d'activité de ces deux espèces qui sont très proches ne sont pas les mêmes. Morpho Elenor était un papillon qu'on attrapait plutôt dans la matinée, alors que Morpho Achilles était plutôt attrapé à l'heure de midi. Ce qui fait que dans la nature, en fait, les individus de ces deux espèces se croisent rarement, ce qui limite très fortement les interférences reproductives entre espèces. Donc les questions qu'on se pose maintenant, c'est quels sont les déterminants de cette niche temporelle, de ces périodes d'activité, et dans quelle mesure les interactions entre espèces, et notamment les interactions ici négatives entre espèces, influencent l'évolution de la niche temporelle chez ces papillons qui présentent des motifs de coloration convergents. Voilà pour ce reportage au Muséum National d'Histoire Naturelle. Une réaction à ce que vous venez d'entendre, Hervé Le Guyader. Ah bah c'est très bien. Là on a vraiment une synthèse de comment travail de biologie évolutive se fait. Ce que j'aime bien, c'est que ça illustre parfaitement ce qu'on essaie de dire depuis le début. C'est la dynamique. Et la dynamique, parfois, on a tendance à la réduire en dynamique spatiale. Et là, c'est une dynamique spatio-temporelle. Et c'est la dynamique temporelle là qui est la clé de voûte pour la séparation des espèces. On parlait de cette notion de convergence évolutive chez les papillons. Est-ce qu'il y a d'autres cas typiques dans le domaine de l'évolution où cette convergence est particulièrement marquante et voilà, ou des exemples qu'on pourrait donner autres que chez les papillons? Il y a des convergences qui sont partout, mais comment j'ai pas un exemple. Les ailes des oiseaux, les ailes des chauves-souris. Oui, mais ça exemple. C'est un grand classique. C'est l'exemple que l'on prend pour essayer d'expliquer la convergence aux étudiants, en disant regardez les oiseaux, les ailes des oiseaux et des chauves-souris, c'est en fait le même plan d'organisation du membre, mais ils ont été obtenus deux fois. Mais n'importe quel zoologiste amateur se rend compte que c'est quand même pas la même chose. Il y a des exemples, je prends un exemple dans le livre sur les mimes d'Heliconius, qui sont là aussi, où à l'intérieur, là c'est même encore plus compliqué, c'est à l'intérieur d'une même espèce que vous avez des populations qui vont mimer de manière indépendante la même chose, et donc qui vont converger, qui vont avoir la même chose. Et donc on détecte ces mimes en enlevant des gènes de développement, et on se rend compte qu'ils partent au départ pas tout à fait de la même chose. C'est-à-dire que au départ, en biologie, on avait deux termes pour expliquer ça. On appelait ça convergence et parallélisme. Convergence, c'était quand oiseau chauve-souris, c'est très éloigné, donc on voit bien. Et on disait parallélisme quand les espèces sont proches. Et on se rend compte, en fait, convergence et parallélisme n'a pas grand intérêt. Et que même avec des espèces très proches, on peut avoir des phénomènes de convergence qui sont absolument extraordinaires, comme au niveau des morphos. Puisque vous parlez de votre livre, on va l'ouvrir ensemble, un peu comme on va ouvrir la porte de votre galerie de l'évolution. Il y a un sous-titre qui m'a beaucoup intrigué. Ce sous-titre, c'est « Quand les protéines des animaux travaillent au noir ». Alors, Hervé Le Guyader, expliquez-nous un petit peu comment on a percé le mystère de ces protéines qui travaillent officiellement et officieusement. Alors, c'est un travail extrêmement intéressant qui s'est étalé sur plusieurs dizaines d'années pour découvrir ce phénomène. En fait, il faut partir de la découverte de la génétique. La découverte de la génétique a été faite lorsqu'on a trouvé des caractères extrêmement simples, c'est-à-dire un gène, une protéine, un caractère. Mmh. Et puis la couleur des yeux de la drosophile dont je parlais tout à l'heure, etc. Et c'est avec ces caractères simples que on a trouvé les lois de la génétique. Mais très vite, les généticiens se sont rendus compte que, s'il y a des choses simples, il y a des cas où c'est beaucoup plus compliqué. Et l'un des exemples où c'est beaucoup plus compliqué, c'est quand vous avez le produit d'un gène, une protéine, qui peut avoir deux fonctions complètement différentes. Et donc, c'est ce que les biologistes vont appeler partage de gènes. C'est un terme un peu délicat. Partage de gènes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour un gène, on va avoir deux fonctions différentes. Et on l'a trouvé en regardant les protéines, en regardant les protéines des cristallins des mammifères. Lorsque la biologie moléculaire est arrivée, ce sont surtout les ophtalmos qui se sont dit, tiens, on va essayer de trouver ces protéines transparentes, cristallines de mammifères, comment elles sont, et voir un peu. Et puis alors l'idée, c'était, si on sait comment c'est, on peut lutter contre la cataracte, etc., etc. Et puis après tout un travail qui au départ était très long, qui aurait été plus simple maintenant, mais qui au début des années 80 était très long, ben ils trouvent que ces protéines étaient d'une protéine d'une banalité parfaite. C'était des protéines donc classiques de tous les organismes. C'est des protéines qu'on appelle des chaperones, c'est-à-dire qui empêchent, lorsqu'il y a des stress, les protéines de s'agglomérer et de pas se replier correctement de manière tridimensionnelle. Et donc ils sont complètement restés sciés. Et ils se sont rendus compte en fait que ces protéines, par coïncidence, j'allais dire, sont effectivement transparentes dans le visible, que d'autre part, elles peuvent se mettre en grande concentration, étant donné qu'elles empêchent de coaguler, et que troisièmement, elles peuvent donner un petit organe qui a une convergence supérieure à un, donc qui peut faire une lentille. Et donc, à ce moment-là, il va y avoir dans tout vos cellules, les miennes, vous avez les chaperones qui travaillent correctement, et dans le cristallin, eh bien ces chaperones vont servir de système optique, j'allais dire. Et donc vous voyez ces deux fonctions totalement différentes. Et donc, on explique comment ça se fait, etc. Mais surtout, je reviens un peu sur ce que je disais sur l'expression du gène. Ce qui va se passer, c'est que dans les autres cellules, ces protéines, eh bien, de temps en temps, sont exprimées, pas d'autres. Tandis qu'au niveau du cristallin, elles sont exprimées tout le temps. Donc, c'est vraiment l'illustration parfaite d'un des concepts clés de l'évolution, l'adaptation. Absolument. Alors, il y a d'autres... cellulaire. Et ce qui va se passer maintenant, c'est qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de protéines qui font ça. Et il y a une base de données où il y a plus de 500 gènes qui font ça. Et c'est extrêmement important au point de vue médical. Parce qu'imaginez que vous ayez une protéine et que vous mettez un médicament qui va jouer parce que vous avez vu qu'il y a telle ou telle action. Eh bien, s'il y a une deuxième action que vous n'avez pas décelée, vous êtes capable de donner un effet secondaire épouvantable parce que vous n'avez pas détecté la deuxième action. Il y a un autre terme dans ce chapitre consacré à ces protéines qui travaillent au noir. C'est le terme que je connaissais pas, un terme d'exaptation. Expliquez-nous un petit peu ce que c'est que cet envers de la médaille de l'adaptation. Alors, l'exaptation, ça veut dire, si vous voulez, que vous avez une caractéristique va tout d'un coup entre guillemets servir à autre chose, hein. Étant donné donc que cette protéine, lorsque vous avez les protéines qui font leur travail enzymatique, qu'elles soient transparentes ou pas transparentes, n'a aucun intérêt, mais elles ont un caractère qui est là, qui est présent et qui tout d'un coup va être pris dans le filtre de la sélection. Et donc, à ce moment-là, qui tout d'un coup va donner une fonction qui était, disons, improbable au départ. C'est-à-dire que c'est que la protéine n'a pas été construite pour avoir une transparence, mais c'est que la transparence a été sélectionnée et va permettre de donner ça. Il y a un exemple un peu typique que vous prenez dans le livre, c'est l'exemple des plumes chez les dinosaures qui ne leur servaient pas à voler et puis qui ont finalement servi à voler. C'est un exemple d'exaptation. Plume était présente et tout d'un coup va servir à un moment donné pour la surface à l'air. Quand on parle d'évolution, on pense rapidement et simplement à l'évolution animale. Il y a évidemment l'évolution végétale qu'il faut prendre en compte. Une autre entrée de ce livre passionnant, c'est les buplèvres en faux. Expliquez-nous ce que sont ces plantes à fleurs un peu particulières et pourquoi elles illustrent aussi l'inclusion dans la compréhension de l'évolution d'autres notions comme l'épigénétique et l'écologie. Alors justement, c'est quelque chose qui est assez passionnant parce que pendant que la génétique se mettait en place, vous aviez eu des expériences qui avaient été faites et qui n'étaient pas du tout expliquées par la génétique du moment. Et en fait, là, c'est le grand botaniste Gaston Bonnier qui a fait des différentes expériences qui essayait de comprendre comment il pouvait y avoir pour des espèces très proches un faciès, comme on dit, de plaine et un faciès de montagne. Vous avez des plantes qui, quand vous les mettez en montagne, qui deviennent plus petites, plus ramassées, avec des temps de floraison qui sont différents. Et en fait, il a fait comme expérience de prendre cette ombellifère, cette apiacée, comme on dit maintenant, le buplèvre en faux, de prendre dans les plaines, de couper en deux la motte, de laisser une motte dans les plaines et une autre motte de la monter dans les Pyrénées à 2400 mètres. Eh bien, au bout de quelques années, il se rend compte que, il avait un faciès de montagne. Différent. Les fleurs sont vraiment pas les mêmes, les tiges ne sont pas de même dimension, etc. Les fleurs sont les mêmes, mais. C'est tout l'ensemble, surtout les tiges qui se ressemblent, qui sont ramassées. Et en fait, il demandait aux généticiens, mais expliquez-moi ça. Et vous voyez bien là que c'est l'environnement qui a agi directement. Et bien évidemment, il n'y avait pas d'explication. Et en fait, l'explication vient de l'épigénétique. L'épigénétique qui est une autre régulation de l'expression des gènes que l'on ne connaissait pas bien, que les généticiens avaient quand même deviné. On a des papiers des années 50 là-dessus, mais bon, ils comprenaient pas bien. Maintenant, avec le moléculaire, on connaît bien. On sait qu'il peut y avoir des gènes qui peuvent être rendus silencieux et que ce silence peut être transmis de génération en génération comme si c'était une mutation. Mais comme c'est réversible, tout d'un coup, ça peut revenir. Et cette épigénétique, joue dans le cas particulier. C'est des phénomènes d'épigénétique, les stress dus en particulier au froid et à l'insolation qui n'est pas tout à fait la même, qui va changer le développement de ces plantes. Dans un contexte de réchauffement climatique comme celui qu'on connaît aujourd'hui, quels sont les effets de modifications écologiques rapides sur un organisme et est-ce que ça signifie que le réchauffement climatique peut provoquer une accélération de l'évolution de certains organismes? Dès qu'il y a ce qu'on appelle des stress. Alors, le terme stress est flou parce qu'on ne sait pas très bien. En fait, stress, c'est aussi la vie. C'est aussi. Il va y avoir des changements et donc il va y avoir des phénomènes comme cela. Mais si je peux me permettre de continuer un petit peu sur l'épigénétique, ce qui est important aussi, c'est le phénomène des transposons. Les transposons sont dans le génome des petites parties mobiles qui tout d'un coup vont partir d'un chromosome et puis vont aller se mettre sur un chromosome et vont aller se mettre n'importe où et vont entraîner des mutations de la fluidité du génome. Et en fait, dans la majorité des génomes, c'est l'épigénétique qui va réguler ces transposons qui sont en énorme quantité. Dans notre génome, 44% de notre génome, ce sont des transposons, c'est quasiment la moitié, c'est énorme. Ils sont mobiles. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que lorsque vous avez des stress, vous avez l'épigénétique qui va monter, et vous avez les transposons qui vont tout d'un coup se mettre à se mobiliser, qui vont entraîner des mutations, qui vont entraîner des changements dans le génome et qui vont donc entraîner des changements dans l'organisme. Et donc, si vous voulez, l'épigénétique va être un élément absolument moteur pour favoriser des mutations. Pour illustrer cette fluidité génomique et cette rapidité avec laquelle l'évolution peut se mettre en branle, vous évoquez dans le livre, et je renvoie les auditeurs à ce chapitre-là, les cyclidés du lac Victoria, qui est un bel exemple pour illustrer justement la fluidité du génome. Donc c'est plus de 500 espèces de poissons qui sont apparues en moins de 15 000 ans, ce qui est quand même très court à l'échelle de l'évolution. Je renvoie nos auditeurs, puisque le temps file, à ce passage-là. Un autre élément, c'est l'éthologie, la compréhension aussi des animaux dans leurs comportements sociaux et dans leur culture, entre guillemets. Expliquez-nous un petit peu ce que la culture peut avoir comme influence sur l'évolution d'une espèce animale donnée. Je vais prendre un exemple tout simple. Les orques. Orques ou épolars, donc des cétacés carnivores. Et globalement, on se rend compte qu'il y a, entre guillemets, une culture. Il y a des orques qui vont chasser des phoques. Et il y a des orques qui vont surtout chasser des poissons. Mais les groupes, les chasses se font en groupe. Mmh. Et donc il y a un apprentissage. Et un apprentissage qui va demander un très long, plusieurs années. Et donc, vous avez des orques qui vont apprendre culturellement à chasser les phoques et d'autres qui vont chasser les poissons. Vous imaginez bien que si tout d'un coup un orque qui sait chasser les phoques va aller rejoindre une bande où il chasse des poissons, il va être totalement inutile. Il va être inadapté. Il va être inadapté à la situation et il va être renvoyé. Et vous voyez bien que si on peut continuer en disant que, bien évidemment, il va y avoir, ça va entraîner, une absence d'hybridation, et les orques chassant les phoques vont se reproduire entre eux, ceux en chassant les poissons vont se reproduire entre eux, et c'est pas fait, mais on pourrait imaginer que ça puisse donner à un moment donné plusieurs espèces. Donc on voit bien que dès qu'il y a quelque chose qui entraîne une séparation, eh bien ça peut être un élément moteur. Et ce qui vaut pour les orques vaut aussi pour les humains. Vous vous consacrez un chapitre passionnant, notamment à l'autodomestication des humains au moment du néolithique. C'est surtout connu pour les chimpanzés, pour les orang-outans, où il y a pas mal de faits culturels comme cela qui sont importants. Je n'aurai pas le temps de vous poser la question à 1000 euros. Que va devenir la théorie de l'évolution dans les années qui viennent? Mais je crois que ça vous arrange, puisque bien malin qui saura à quoi on ressemblera dans 1000 ans, 10 000 ans, 15 000 ans, et ce que la nature aura comme visage d'ici là. On peut continuer à vous lire en revanche sur le site de Pour la Science, et la dernière chronique est passionnante, c'est sur la piste de l'origine des reins. Merci beaucoup Hervé Le Guyader de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. Je rappelle le titre de votre livre, Ma galerie de l'évolution, le vivant de A à Z. C'est paru aux éditions du Pommier. Un grand merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Alexandra Delbo, Céline Lozen, Noémie Naguet, Saint-Vulfranc, Mariam Ibrahim, Abel Boucherka, Natacha Triou, Nicolas Martin, Olivier Bétard à la réalisation, à la technique Arthur Dumont. La méthode scientifique, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez réécouter cette émission sur le site franceculture.fr ou bien sur l'appli Radio France, et ça, c'est à l'infini.